Un marin chantait sous les cieux d'Hollande. Là de son stérile et morne veuvage, mon cœur est parti sur la mer sauvage, avec les plus vieux et les goélands. Prends garde, disaient les plus vieux agiles, et les goélands disaient à leur tour. Mais insouciant du gouffre béant, mon cœur est parti vers l'île du rêve. Des filles rôdaient pieds nus sur la grève, fanant les prairies du glauque océan. Elles étaient trois, diverses par l'âge, Guyon au col souple, Hervine aussi le tort, et celle qui semble à l'isse du Trégor. José la plus jeune et la plus volage. Hervine Guyon et José mon cœur savoura longtemps leur grâce divine. Guyon est si svelte et si blonde Hervine, mais ce fut le lys qui resta vainqueur. À qu'avez-vous fait, troupe puérile du fol oisillon qui venait vers vous? Ce cœur ingénu, ce cœur simple et doux, qu'allait-il hélas chercher dans votre île? Avec leur chalut, j'ai dit aux dragueurs, le vent d'hiver gronde, que rapportez-vous de la mer profonde? Rien qu'un pauvre cœur qui ne battra plus, un pauvre cœur d'homme. Passaient avec leur chalut, j'ai dit aux dragueurs, le vent d'hiver gronde, que rapportez-vous de la mer profonde? Rien qu'un pauvre cœur qui ne battra plus, un pauvre cœur d'homme, un cœur rencontrer là-bas de verre ouessant. Les flots avaient l'air de rouler du sang. Des filles riaient, pieds nus sur la rive. Les lentiers gris le long du rivage, un marin chantait sous les cieux dolents, avec les pluviers et les goélands. Mon cœur est parti sur la mer sauvage. Hasarde pas tes ailes fragiles.